Et quelle surface elle faisait la ferme? Oh, c'est pas long, c'est pas grand, hein. 4 hectares 70. Là, vous aviez des terres en location en plus ou Non, bien non, non, non, ah que non, les, non, non, non, moi j'ai investi 500, moi j'avais largement mon compte que lui venait tous les autres voyager avec. Ouais. J'avais largement mon compte. Et là, tu avais combien de bêtes? Mes vaches laitières. Des cochons aussi? Oh non, pas beaucoup de cochons. Ma belle-mère l'avait avant, mais après, non. Donc, ouais. Les vaches, donc c'était pour, c'est pour du lait, Le lait, du quoi. beurre. Et puis... Non, pas le beurre, non, puis là, on faisait. Ma belle-mère faisait le beurre, le lait, parce que moi, le cochon, après tout ça, le Ouais. cochon. Mais moi, je faisais que le lait pour vendre, quoi. Le Oui. gars, il est passé, ou bien je ne sais plus qui. Ouais. Je ne me rappelle plus qui c'était. Dès que tu as démarré, tu vendais ton lait? Oui. Ah oui. Ah oui. Donc là, c'était pareil aussi. Tu savais que tu achètes ton trèfle dans le champ, tu coupes, tu mets ta faux dans le trèfle, dans ta Il y petite avait un voie. tracteur. Oui. J'avais bien fait que ça aussi. Donc, et hop, trop vite. Et puis, dans le haut, là-bas, la montagne, j'avais deux champs aussi, à côté de chez Pierre-Mère, tu te rappelles pas de Oui, ça? si. Et là, on Si. allait travailler aussi, pas une garenne, tout, biscornu. Ouais. Et t'as jamais travaillé avec les chevaux? Si, à Kiri, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Là, à Saint-Maurice, il y avait tout de suite le tracteur. Ah oui, tracteur. À Kiri, aussi, en Vienne, aussi. Oui. Mais on ne peut pas travailler beaucoup. J'ai fait assez de conneries comme ça. Et tu te rappelles pas quand le premier tracteur est arrivé? Tu te souviens pas, à peu près? Je ne sais pas l'année, je ne peux pas te dire. Bon, c'est bon, ouais. Ferguson, c'était un 50. gris qui était à Ouais, Curie, donc un 30. peut-être. Ouais, c'est Et dans après, les... nous, on avait pris le même aussi à Saint-Maurice. Donc c'est entre 55 et 60. Après, j'ai eu un D22. Ah oui, Renault. Ensuite, il va se dire combien de fois j'étais engueulée. Tu écrases les patates. Tu écrases les betteraves. Pas droit. Tu vois pas bien. Bon, pas droit, je dis. Tu écrases tous les haricots. Un coup, je m'énerve. Je la mets au point mort. Je saute du tracteur. Moi, j'étais pas. C'est bigot, comme une pierre. Allez hop. Je laisse monsieur dans son fond de la je viens à la maison, traversons. Il vient à la maison après, il vient m'aider, je peux pas, je suis tout seul, viens m'aider. Ah, j'ai dit, après il n'y a pas eu aucun bruit. Tout était bon. Donc...